Exercice 8. Vous vous êtes regardé. 1. On ne s'est pas salué. 2. Elles ne se sont pas rencontrées. 3. Nous nous sommes retrouvés à la gare. 4. Ils ne se sont pas reconnus. 5. On s'est embrassé. 6. Elles ne se sont pas vues.